Je vais être assez rapide sur le point 9 qui parle de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Ça n'est pas que nous sous-estimions cet aspect-là, mais c'est simplement que les étudiants, nous venons d'en parler dans tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Les étudiants, ils ont d'abord besoin d'enseignants indépendants sur le plan académique, en nombre suffisant, travaillant dans des locaux de qualité. Les étudiants ont besoin d'avoir un maillage universitaire qui leur permette de faire les études de leur choix dans leur région. Ils ont besoin. Enfin, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant concerne les étudiants. Et le ministère essaye très souvent de monter au CNESER, par exemple, les syndicats étudiants contre les syndicats des personnels. En réalité, nous avons vraiment partie commune dans toutes ces affaires. Et les étudiants ont autant à souffrir que nous de toutes les attaques que nous venons d'énumérer. Si ce point-là a été identifié, c'est parce qu'il s'agit également des conditions de vie des étudiants. Et là, il y a un point important qui n'a peut-être pas encore été abordé. Nous souhaitions rappeler que les étudiants en France vivent dans des conditions qui sont indignes d'un pays dont l'objectif annoncé est d'augmenter le nombre de ces cadres formés et bien formés par des enseignants en contact avec la recherche. Certaines enquêtes suggèrent que la moitié des étudiants, par exemple, doivent travailler pour financer leurs études. En région parisienne, on sait les difficultés énormes que rencontrent les étudiants pour se loger, pour vivre de manière générale. La bourse étudiante de plus haut niveau est en dessous du RSA. Il y a là des chiffres qui sont scandaleux. Alors, également scandaleux, les réponses qui sont apportées par la majorité actuelle et ces think tanks, c'est quoi, des bidons à réfléchir ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, l'Institut Montaigne et autres officines expliquent que la solution, c'est d'inviter les étudiants à prendre des prêts, comme ça se passe aux États-Unis, par exemple, qui vont rembourser tout au long de leur carrière professionnelle. Ce sur quoi je voudrais simplement insister, c'est sur la logique qui est là derrière et qui est une logique qui est très pernicieuse. C'est une logique qui voudrait que la réussite universitaire d'un étudiant soit l'affaire de cet étudiant et de sa famille. On l'entend très souvent. Donc, du coup, c'est logique dans cette perspective de faire financer par l'étudiant qui prend un crédit ou par la famille, ses études. Je crois qu'il faut rappeler très fortement que dans notre système actuel et qui est un système républicain qu'il faut conserver, la réussite d'un étudiant n'est pas seulement l'affaire de cet étudiant et de sa famille, c'est l'affaire de l'ensemble de la nation qui a besoin d'avoir un certain nombre et un nombre grandissant de cadres formés au plus haut niveau. Et c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il est normal que des familles qui n'ont pas d'enfants étudiants participent à cet effort national. C'est normal que les entreprises en particulier participent à cet effort. Ce sont elles qui ont besoin de ces cadres au final. Et cette participation ne se fait pas, comme ça a été dit, par le financement choisi par l'entreprise et ciblé sur telle formation patronale qui serait accueillie au sein de l'université, mais elle se fait par l'impôt, tout simplement. C'est un impôt qui est versé à l'État, et c'est l'État qui décide dans quel secteur elle va faire porter ses priorités. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler de manière très précise, parce que cette idée que l'étudiant doit financer sa formation va aboutir à très courte échéance à une augmentation des droits d'inscription. La CPU est en train d'y réfléchir, comme on dit, lorsque des réformes sont dans les placards. Elle commence à réfléchir à la possibilité d'une augmentation des droits d'inscription. Cette augmentation est évidemment dans la logique directe de la LRU. L'autonomie des établissements, ça veut dire que les établissements vont se financer avec une hausse des droits d'inscription, mais elle est également dans cette logique générale qui voudrait que ce soit l'individu étudiant qui doive financer ses études pour avoir un salaire élevé ensuite et avec ce salaire éventuellement rembourser des crédits. Donc je crois que c'est dans cette perspective-là qu'il faut obtenir des politiques, une amélioration très nette des conditions de vie étudiantes. Alors, des propositions ont été faites, mais encore une fois, ça n'était pas à nous de faire ces propositions concrètes, des allocations d'études. Je pense en particulier à ceux qui se destinent au concours de l'enseignement. Encore, il y a une réforme à faire à laquelle appelle d'ailleurs le syndicat du second degré, le SNES, c'est-à-dire un financement, un préfinancement de ceux qui préparent les concours, puisque la durée d'études a été allongée. Voilà, je vais m'en tenir là pour ce point.